La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On a fait le tour cette semaine avec Marc Fortier et Stéphane Lebeau du retour de la Ligue nationale, le retour cet été. On en parlait avec notre doyen qui est collaborateur Phil Desgagnés. Salut Phil! Salut Danny! Phil, du hockey en plein mois d'août, ça te dit quoi? Ben moi je pense que c'est une bonne initiative de la Ligue nationale. Mmh. Surtout que ça va être basé sur les droits sur la télévision. Parce qu'en réalité, il n'y aura pas de spectateurs. C'est les droits de TV. Les stations de télévision sont à court de reprise. Deux, le baseball va débuter probablement sa saison à ce moment-là. Le football ne sera pas encore en cours. Donc, ça laisse place à la Ligue nationale. N'oubliez pas que le réseau américain, à ce moment-là de l'année, cherche actuellement à combler ce qui devait être en réalité les Olympiques à la télévision. Donc, pas d'Olympiques à la télévision. Ils ont beaucoup d'espace à remplir. Et en jouant deux ou trois matchs par jour de façon régulière, moi j'ai l'impression que le réseau américain fait son affaire. Les réseaux de télévision canadiens vont sauter là-dessus parce qu'ils ont besoin de visibilité puis ils ont besoin également de nouvelles. Donc moi, personnellement, je pense que ça va bien aller. Ça va se terminer probablement à la mi-octobre. On sait très bien qu'à la mi-octobre, c'est le football américain, c'est les séries mondiales de baseball. Donc, si c'est en temps normal, le hockey débute la saison, c'est jamais très populaire. Et là, ben, le hockey redébuterait seulement qu'au début janvier, alors que le football termine sa saison, le baseball n'est pas là, le hockey reprendrait sa place. Donc, moi, personnellement, je trouve actuellement que le président de la Ligue nationale de hockey, M. Bettman, joue les bonnes cartes. Puis, de façon, la seule problématique vraiment, c'est qu'il y a au moins 7 à 8 clubs, ben oui. Et je sais pourquoi il fait une série de 24, il y a 8 clubs qui vont être au moins 10 mois sans aucune activité. Et ça, je pense que ça fait mal à plusieurs organisations. J'aime pas ça, Phil, moi, parce que ça va tout dénaturer les autres années, ça va... Écoute, on en a pour 3-4 ans, là, certainement, avant de revenir ben, mettons, à l'année. Mais Danny, ouais. Mettons qu'on commence en janvier. Le calendrier va être de 60 parties. Tu penses? Va se terminer... Ils vont couper le calendrier, ils n'auront pas le choix. Pour terminer la saison normale au mois de juin. Oui, mais c'est des revenus de moins pour le dernier. Oui, mais je veux dire, c'est moins que la perte des séries éliminatoires. Tu sais, comme moi, les codes d'écoute, c'est là qu'il y a l'argent, puis c'est là que les réseaux payent énormément. Donc, moi, je pense que c'est à ce moment-là. Puis si, exemple, on débute en 2021 avec un calendrier un peu plus... raccourci, j'ai l'impression qu'à partir de là, ça va se replacer puis ça va repartir également à compter de l'automne 2021. 21 équipes, 24 équipes, comment tu trouves ça? Ben, moi, je pense que on fait participer le maximum d'équipes pour une raison précise. Donc, c'est les droits de TV. On voulait étirer un peu la fin de saison qu'on veut faire, ou septembre, aller jusqu'à mi-octobre. On n'aurait pas pu faire ça avec 16 clubs. Avec 24, ben, on peut le faire. Et à partir de ce moment-là, on permet également à au moins 8 équipes supplémentaires d'avoir une activité de au moins 3 semaines ou un mois d'activité. Alors que ça aurait été l'inverse. On aurait été pendant 16 équipes qui auraient été pendant 10 mois sans activité. Je pense que ça aurait dérangé plusieurs organisations. J'ai hâte de voir, en tout cas. Puis comment tu vois le calibre, toi? Mais c'est sûr que ça va être assez bizarre. Il n'y aura pas autant de... J'imagine que... Tu sais, veux dire, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de foule. Mais Danny, un athlète, ça demeure un athlète. Le vouloir gagner, puis le vouloir progresser. Il y a des joueurs là-dedans également qui vont être à l'uranie d'options, qui vont vouloir renégocier un nouveau contrat. Ils savent que les masses salariales ne seront pas augmentées, donc performes dans la série, plus tu vas avoir les chances d'aller chercher ce que tu veux demander. Donc, moi, personnellement, j'ai l'impression que les joueurs également ont été arrêtés pendant 4 mois, bien reposés, en pleine forme physique. On parle d'un camp d'entraînement d'une quinzaine de jours. J'écoutais un ancien joueur de hockey qui disait, on haït tout ça, les camps d'entraînement, on haït tout ça, les pratiques. Ce qu'on veut, c'est jouer. Donc, les joueurs, actuellement, doivent se maintenir en bonne condition physique. 15 jours, j'ai l'impression, moi, de camp d'entraînement, parce qu'on parle du 10 ou 12 juillet pour recommencer les activités. À partir de là, moi, je pense que les joueurs vont être en bonne forme. Puis le synchronisme ne sera pas à son maximum. Ça, j'en conviens. C'est pour ça que, dans les premières rondes, de 3 à 5, il pourrait y avoir des surprises, parce que le synchronisme n'est pas là. Les équipes vont jouer un jeu de base très, très, très hermétique. On ne voudra pas ouvrir le jeu avant de retrouver une certaine adrénaline. Moi, personnellement, je pense que les premières séries vont être difficiles, mais par après, je pense que tout le monde va avoir retrouvé sa forme maximale, puis il devrait donner des bonnes performances d'équipe. En tous les cas, moi, personnellement, au mois d'août, je peux te dire que le soir, on n'a rien à faire ici, là, on va l'écouter, le hockey, là. Ça fait assez longtemps. Moi, les reprises là, que je vois à la télévision, là, je les ai toutes vues, j'en écoute pas. Parce que c'est sûr. Ça me tente moins. Là. Surtout avec des commentateurs en 2020, quand l'action est en 1977, puis t'as des commentateurs de 2020. Ils sont pas dans le même... comment ils diraient? Moi, j'ai regardé une ou deux fois. Je regardais en tant qu'ancien arbitre de l'arbitrage. L'arbitrage de ce temps-là, moi, je l'ai vécu. C'était comme ça dans le temps. Aujourd'hui, on est scandalisé. On dit, hey, ça se peut pas. L'accrochage qui est permis, on tolérait bien plus. On laissait aller plus les parties, les joueurs. Mais c'était ça dans le temps. Aujourd'hui, c'est un autre game, là. Donc, c'est pour ça que je te dis que les commentateurs qui arrivent là, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Les arbitres laissaient tout aller. Mais dans ce temps-là, les chroniqueurs, là, ils critiquaient pas ça parce que c'était comme ça que ça se jouait. Tu sais, je parlais avec Marc Griffin tantôt. Marc, qui a fait les matchs des Expos contre les Dodgers en 1981, puis il dit lui-même, il dit, regarde, il dit, moi j'aime ça les commentateurs du temps, mais il dit, les archives étaient pas là, c'est pour ça qu'on les a pas, puis on a oublié de les reproduire. Exact, puis depuis deux, je veux dire, aujourd'hui, avec toutes les reprises TV, les commentateurs disaient, hey, ben gars, mais dans ce temps-là, il y en avait pas mal moins, c'était moins sophistiqué, exemple, on pouvait jamais discuter de la décision d'un juge de ligne ou d'un but accordé ou pas. Aujourd'hui, avec toutes les reprises, avec toutes les demandes de révision et tout, le hockey a changé, puis le sport en général a changé, autant au baseball qu'au hockey, puis au football, là, ouais. Il n'y a aucun doute. Phil, y a une rumeur qui circule que Jacob Pelletier s'en viendrait à Chicoutimi. Je sais pas si tu as vu passer cette rumeur-là. Il y aurait des choix repêchage là-dedans. Mais Yannick, avec le choix de repêchage qu'il peut donner, il n'y en a plus. Ben, il y aurait un échange, j'ai vu ça passer, il y aurait des choix repêchés. Ouais, il y aurait un échange avec Gatineau, puis l'année d'après, il enverrait la pierre là-bas. Il est sûr que Yannick Jean, puis c'est le sujet de ma chronique de mardi, il est dans une situation pas facile pour prendre une décision, parce que il y a un très bon club de hockey actuellement entre les mains, et il peut penser encore aller jusqu'au bout cette année. Mais dans un calendrier de 30 matchs ou 40 matchs, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier encore d'autres choix de repêcheurs pour dire all-in, et quand, sans savoir ce qui est capable de remplir le centre Vézina, parce que quand les reprises d'activité, de quelle façon vont être capables d'adhérer au centre Vézina, puis quand tu veux faire une année all-in, c'est pas juste pour gagner. Cette année, ce qu'ils ont fait, ils ont mis 4000 personnes régulièrement pour mettre des sous dans la cagnotte, puis se préparer pour des années plus difficiles. Donc, c'est la question que je pose. Tu dis, je sacrifie deux ou trois joueurs ou deux, trois, quatre choix de repêchage, mais avoir trois années de vache maigre, ou bien, Yannick pourrait dire, au mois de janvier, Sherbrooke veut y aller, deux autres équipes veulent y aller. Moi, j'ai 4-5 bons joueurs ils vont aider ces équipes-là. Moi, sacrifier ces joueurs-là, m'avoir des choix de repêchage. L'année prochaine, je vais être capable de me rebâtir tout de suite et de repartir pour un cycle de 2 ou 3 ans. Mais on ne sait même pas le calendrier. Ouais. On ne sait même pas quand ça part. On ne sait même pas le nombre de parties. Puis on ne connaît pas la valeur des joueurs. Il y a un joueur qui va jouer 30 parties, ça n'a pas la même valeur qu'un joueur qui va jouer une saison complète. C'est vrai. C'est pas la même valeur. Deux, on fait tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une saison de hockey? Ouais. Je vois une rumeur qui circule que la RSEQ envisage d'annuler la saison de football. Ça veut dire le rouge et or, ça veut dire le vert et or, ça veut dire... Moi, je peux te dire tout de suite, en primeur, Danny, à toi, qu'au hockey universitaire, McGill et Concordia ont dit à la Ligue universitaire, nous, on ne joue pas cette année. Oh. Puis les équipes de l'Ontario, ils ne veulent pas venir jouer au Québec contre Concordia, McGill et ni contre Trois-Rivières. OK. Why? Donc, à ce moment-là, c'est automatique, là. Mm. Tu pars avec quoi? Tu joues contre qui? Puis dans quelle ligue, là? Ouais. C'est sûr. Puis c'est même pas sûr que l'université va donner des cours en direct. Il risque d'être par Internet ou par correspondance. Donc, ces choses-là, c'est toutes des choses qui, actuellement, ne sont pas nécessairement prioritaires pour le gouvernement, mais que ces gens-là vont avoir des réponses rapides parce qu'on n'organise pas une saison demain matin en disant ça se règle dans une semaine, ça se règle dans deux semaines. Ça, les élites de Jonquière, je parlais encore avec M. Simard dernièrement, Michel, eux autres, là, ils prennent les jeunes joueurs qui viennent de l'extérieur, ils les prennent au mois d'août pour les rentrer à l'école secondaire. Ouais, là, s'il y a un calendrier jusqu'au mois de janvier, est-ce que les familles vont vouloir payer que leur fils soit en pension à Jonquière, puis donner 5, 6, 7 000 piastres ou 8 000 piastres à l'organisation des élites pour garder leur fils là, sans jouer des matchs? Ouais. Pose-toi la question, Danny. Je ne suis pas sûr que les parents vont embarquer là-dedans. Là. Non, c'est sûr. Mais ça vient à la même affaire, là. Si le cégep ne démarre pas, ça démarre seulement par des cours à distance, est-ce que les Saguenayens qui, maintenant, débutent en janvier, est-ce qu'ils vont se prendre 20 joueurs, mettre ça en pension, payer ce que ça vaut, puis tout... c'est toutes des questions qu'actuellement, les clubs n'ont pas. Ils sont complètement dans le néant. C'est ça que je te dis. Ouais. C'est pas évident. Puis, demain matin, là, on fait une séance de repêchage, bien majeur. Puis là, il va faire des transactions. Puis, il n'y a pas de saison. Tu fais quoi à la fin de l'année? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Allez, ça y est, on dit, en fait, là, une multitude de transactions, pas eu de série. Pas eu de fin de saison, puis tu sais pas qui est gagné. Donc, tu dis, j'ai tout donné ça, puis ça n'a rien donné, à part d'avoir eu des foules de 3 puis 4 000 pendant 7-8 matchs. Oui. Alors, c'est bien des questions. Jocelyn Thibault, je parlais avec Jocelyn Thibault cette semaine pour les 25 ans des Nordiques, puis il n'y a aucune idée. Parce que moi, j'avais entendu parler de janvier, j'y ai dit janvier, parce que puis il dit, c'est la première fois que je n'entends parler de janvier. Probablement qu'il est pas obligé de me dire la vérité. Moi, Danny, là, Je suis impliqué directement dans les salles de spectacle. Je suis président du conseil d'administration de Saguenay. Ouais. Et sais-tu quoi, Danny? On n'est pas au courant actuellement quand est-ce qu'ils vont nous donner le OK pour ouvrir nos salles, puis s'y mettre de la restriction. Exemple, une salle comme la salle de Banque nationale, tu mets 800. Si tu mets le 2 mètres, là, je mets 125 personnes, 150 maximum. Ça vaut pas la peine. Tu sais, j'irai pas. Puis si c'est comme ça, aller jusqu'au printemps prochain, tu dis, je ferme un an, puis je recommence après. Oui. C'est un peu ça, là. C'est... Donc, le hockey, c'est au même niveau, je gars le baseball junior. Moi, je pense qu'ils ne recommenceront pas. Tu sais, je veux dire, on est rendu au mois de juin. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Il n'y a pas de calendrier. Puis, on ne sait rien de ce qui se passe. Puis, on ne sait pas non plus le 2 mètres, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du receveur, du lanceur, du joueur de premier but et du coureur. Tu sais, est-ce qu'on dit au coureur, tu restes au premier but et tu n'as pas le droit de voler le but? Elle doit juste avancer quand ça frappe. Ça dénature le sport, puis ça fait qu'il y a moins d'intérêt, puis autant pour le joueur que pour le jeune. Le jeune joueur de soccer, là, qui n'a pas encore joué, là, puis qui n'a pas eu quel entraînement, ça, il n'est pas intéressé à commencer au mois de juillet. Là. Non, ça, Phil, là, m'a dit une affaire. Par contre, on commence à connaître un peu l'ennemi. Là. C'est les gens en 60 ans et moins, là, je peux dire qu'ils sont en santé, il y en a de moins en moins de problèmes. Il n'y en a pas de problème. C'est ceux-là de, je dirais, 60 ans. Puis au Saguenay, là, ça fait des mois et des mois d'années. Puis, on voit pas ça. Sauf que moi, je parle à ma fille, qui est infirmière à Montréal, à l'hôpital Juif, qui est l'hôpital principal du corona. Puis elle était en soins intensifs. Elle a dit, père, moi, je voyais 35-40 cas à journée longue, là, depuis le 12 mars. Là. Ouais. Elle dit, ça remet ralenti, là. Ouais. Donc, les autres, comment je te dirais ça? Le portrait n'est pas le même que moi et toi, qui ne voit aucun cas, aucune hospitalisation. Ben que moi, j'ai un masque. Je suis allé dans un garage avec mon automobile. J'avais mon masque. J'avais l'air d'un extraterrestre. C'est sûr. Hein? Il n'y a personne qui avait le masque. Là. Non. Donc, faut vivre avec ça et attendre qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est pas nous qui décidons actuellement. On doit y aller avec... Au jour le jour. En parler... On décide pas. Ouais. Phil, on s'en parle à un moment donné. C'est le Merci, Danny. commentaire de Phil Gagné.